Chapitre 4e. Deux fois 24 heures se sont écoulées. Les oiseaux aux riches plumages qui peuplent la demeure des épouses du soleil ont cessé leurs chants harmonieux. Un silence imposant plane sur l'enceinte sacrée, où régnerait une obscurité profonde, sans les lueurs scintillantes des étoiles de la Croix du Sud. Atsimba repose sur sa couche funèbre et un peu plus loin, via Diego, enfermé dans une des chambres du palais en ruine des rois, rêve et songe. Il rêve à son pays, à sa vie d'aventure, à sa situation présente. Il se demande pourquoi son voyage a été interrompu, pourquoi il est prisonnier depuis 3 jours. C'est pour le protéger contre la curiosité du peuple, et même contre sa colère excitée par la présence de ses compagnons aztèques, profondément haïs, que le commandant de Taximaloyan a pris la résolution de le faire voyager de nuit jusqu'à la capitale, où, lui disait-on, l'attendait le roi. Via Diego n'a été ni menacé ni maltraité, c'est vrai. Toutefois, ce n'est pas en ambassadeur qu'il a cheminé, mais en captif. Que signifie ce brusque arrêt dans son voyage? Pourquoi a-t-il été séparé de ses compagnons, puis enfermé entre 4 murs? Le jeune Espagnol interroge en vain ceux qui lui apportent des vivres. Ils ne paraissent pas comprendre ce qu'il leur dit. Lui répond dans une langue que de son côté il ne comprend pas. L'âme de Via Diego est vaillante. Il est accoutumé aux aventures extraordinaires, à regarder la mort en face et sous tous ses aspects. Il est prisonnier, il ne peut se le dissimuler. Redoutant quelque traîtrise, il songe à recouvrer sa liberté. Durant les longues marches nocturnes qu'on lui a fait exécuter, il a pu remarquer la haine dont sont animés les soldats tarasques contre les Aztèques, toujours hautains, impassibles, dédaigneux. Il est maintenant séparé de ses compromettants auxiliaires. Toutefois, pourquoi ne lui parle-t-on plus du roi? Il ne peut séduire ses gardiens. On lui a enlevé ceux de ses bagages qui contiennent les miroirs, les grelots, les verroteries, à l'aide desquels il pourrait les bien disposer pour lui. Il prodigue les promesses et elles restent sans puissance, ses gardes étant choisis parmi les soldats qui ignorent la langue aztèque. Via Diego projette de s'évader, de retrouver son cheval, ses armes, ses bagages, puis de regagner Mexico. Il est dans un pays inconnu, serait fort en peine pour suivre la route qu'il a nuitamment parcourue. Toutefois, qu'importe. Accoutumé aux luttes d'un contre mille, rien ne l'effraie, ne peut abattre son courage, sa confiance aveugle. Au milieu de ses incessantes et graves préoccupations, il s'étonne de voir une silhouette de femme traverser son esprit, le distraire. Il ne s'agit pas de l'image lointaine, pâlie, d'une amie laissée en Europe ou à Mexico, mais de la délicieuse silhouette de la jeune fille qui lui est apparue au moment où on l'a introduit dans les jardins du palais, de la jeune fille avec laquelle il a échangé un si long regard, à laquelle il ne peut penser sans que son cœur batte. A-t-il jamais vu un plus ravissant visage, une grâce plus séduisante, un regard plus candide, plus profond, plus troublant, un corps plus parfait? Non. Via Diego a remarqué de larges fissures dans un des murs de sa prison. Fissure produite par le tremblement de terre encore récent qui a rendu le palais inhabitable. Déjà la veille, pendant la nuit, il a travaillé à élargir une de ses ouvertures et il reprend cette tâche. Disjointe, les pierres cèdent sans qu'il soit besoin d'effort. Bientôt, le captif aperçoit une pâle lueur. Il se glisse, fait tomber un dernier obstacle, se voit libre. Il est libre et il le reconnaît vite, précisément à l'endroit où il a vu celle qu'il voudrait revoir encore. Il avance indécis, assourdissant ses pas, se dissimulant dans l'ombre des massifs. Soudain, un vaste espace s'étend devant lui, et là-bas, il aperçoit la blanche façade de la demeure des épouses du soleil. La belle jeune femme est là, endormie. Son regard était si doux, si caressant, lorsqu'il s'est arrêté sur lui, que Via Diego pense qu'elle lui prêterait son aide si... Il s'éloigne, s'enfonce dans l'ombre des arbres, cherche à s'orienter. Il se sait dans un parc clos de murs, obstacle qu'il croit pouvoir escalader. Une lueur le fait s'arrêter, hésiter. Il approche de la grotte où gît Atsimba, où brûle encore un flambeau à la cire parfumée. Il soulève doucement, prudemment, le rideau de verdure, demeure immobile. La belle jeune femme à laquelle il vient de penser, dont il a si présente l'image radieuse, est devant lui, parée, endormie, souriante. Endormie, non, Vialdiego sent son cœur se serrer, presse sa poitrine de sa main, ne respire plus. Elle est morte. Morte, la douce apparition, et la couche sur laquelle elle est si gracieusement étendue est une couche funèbre. Morte. Elle qui l'a vue si charmante. Il fait un pas, deux, s'avance, s'arrête, avance encore. La flamme vacillante du flambeau donne une apparence de vie au beau visage qu'il admire, qu'il émeut, qui n'a rien de la lugubre pâleur des trépassés. L'Espagnol s'agenouille, se signe, prie. Qu'elle est belle encore sur son lit funèbre semé de fleurs, dans sa toilette luxueuse, celle dont il se sent épris. Comme son corps lui paraît harmonieux, sous les légers voiles dont il est enveloppé, dans sa pose abandonnée. Il lui semble que la jeune femme le regarde, que ses yeux à demi-clos l'implorent, que ses lèvres, qui ont le pourpre de la vie, vont lui parler. Vialdiego a fait un nouveau pas pour se rapprocher de la funèbre couche, a doucement posé sa main sur celle de la jeune fille, et tressaillit en sentant cette main moite, tiède. Il recule. Cette couche n'est-elle pas un lit mortuaire? Serait-elle un lit d'apparat? Et la douce apparition n'est-elle qu'endormie? Perplexe, l'Espagnol se rapproche et, un peu tremblant, saisit la mignonne main qui l'a touchée, la soulève. Flexible, le bras suit. Le jeune homme pose, appuie sur ses lèvres les doigts menus et... rêve-t-il? Les paupières entrouvertes se sont un peu relevées. La main qu'il tient a légèrement pressé la sienne. Une longue aspiration a soulevé, gonflé, le beau sein qu'il croit voir palpiter, qui palpite. Il songe à fuir, indécis, un peu effrayé. Mais la pression de la mignonne main s'accentue. Les paupières se sont encore soulevées. Un regard surpris, un regard dont il connaît la séductrice puissance, cherche le sien. Et un sourire d'admiration, arque de plus en plus les lèvres purpurines. Attiré, Vialdiego se penche. Il a laissé retomber la main qui essayait de retenir la sienne. Saisit la charmante tête qui continue à lui sourire, noyait ses doigts dans son épaisse et noire chevelure, rapproché, en l'exhaussant, le beau visage du sien. Il se sent effleuré par la caresse d'une suave haleine, frissonne. La dormeuse, enfin réveillée, entoure, rougissante, languissante, le cou du jeune homme de ses bras. Les lèvres des deux jeunes gens s'attirent, s'effleurent, se joignent, se pressent. Ils échangent un long, un interminable baiser qui, l'un comme l'autre, les transporte dans le ciel, dans le lieu de délices promis par leur croyance. Après cette extase, Azimba s'est redressée avec lenteur, secondée par les bras amoureux qui maintenant l'enveloppent et la soutiennent, attirée par un nouveau baiser offert. Elle s'appuie fortement sur celui qui vient de la rendre à la vie, lui parle comme à un être céleste. Vialdiego lui a dit quelques mots en aztèque, et elle lui répond dans cette douce langue qu'elle aussi sait parler. Enlacés, très émus, se trouvant beaux et se l'avouant, ils se sont assis sur la funèbre couche, peu à peu, aux lueurs du flambeau mourant, devient pour eux un lit nuptial. C'est que l'innocente vierge s'abandonne tout entière aux volontés de celui qu'elle tient pour un dieu, vers lequel la poussent ses désirs, ses 20 ans à peine révolus, et qui, pour sa virginie et ignorance, lui révèle des choses du ciel. Elle sembla courte aux deux amants imprévus cette nuit de surprise, de volupté, durant laquelle Vialdiego a raconté son histoire, ses marches nocturnes à la recherche du roi Tzintzicha, auquel il vient proposer une alliance. Ramené à la réalité, Azimba tremble pour celui qui a pris possession de son cœur, qu'elle nomme déjà son époux. Le jour va paraître, il faut le cacher, et elle le conduit au fond d'un sanctuaire où elle l'établit, d'où elle viendra le tirer aussitôt que reparaîtra la chère ombre de la nuit. 20 fois les deux amoureux, les deux amants, se disent au revoir, et 20 fois ils reviennent l'un vers l'autre pour échanger de nouveaux baisers, pour se dire, pour se faire dire ces mots qu'ils ne se lassent ni de répéter, ni d'entendre « Je t'aime ». Enfin le soleil dort les collines, jaillit et son infidèle mais inconsciente épouse se dirige, lente, pensive, ravie, trouvant un nouveau sens à tout ce qui l'entoure, vers la demeure où elle n'est plus attendue.